Unité 29. Conversation. Écoutez. Il y avait des années que nous voulions visiter le Périgord. Cet été, finalement, nous avons eu l'occasion d'y aller. Avec des amis, nous avions décidé de faire un circuit à vélo. Ses amis avaient déjà fait ce circuit l'année dernière. Ils nous avaient dit qu'ils s'étaient beaucoup amusés. En effet, ça a été une bonne idée. Le premier jour, nous sommes partis de Sarlat pour aller aux Aisy. On nous avait conseillé d'aller visiter le musée national de la préhistoire. Répétez. 1. Il y avait des années que nous voulions visiter le Périgord. 2. Cet été, finalement, nous avons eu l'occasion d'y aller. 3. Avec des amis, nous avions décidé de faire un circuit à vélo. 4. Ses amis avaient déjà fait ce circuit l'année dernière. 5. Il nous avait dit qu'il s'était beaucoup amusé. 6. En effet, ça a été une bonne idée. 7. Le premier jour, nous sommes partis de Sarlat pour aller aux Aisy. 8. On nous avait conseillé d'aller visiter le musée national de la préhistoire. Répondez, répétez. 9. Depuis quand vouliez-vous visiter le Périgord? 10. Il y avait des années que nous voulions visiter le Périgord. 11. Finalement, vous avez eu l'occasion d'y aller? 12. Cet été, finalement, nous avons eu l'occasion d'y aller. 13. Aviez-vous établi un programme? 14. Avec des amis, nous avions décidé de faire un circuit à vélo. 15. Vos amis avaient-ils déjà visité la région? 16. Oui, ses amis avaient déjà fait ce circuit l'année dernière. 17. S'était-il beaucoup amusé? 18. Oui, il nous avait dit qu'il s'était beaucoup amusé. 19. Alors, ça a été une bonne idée de faire ce circuit à vélo. 20. En effet, ça a été une bonne idée. 21. Où êtes-vous allé le premier jour? 22. Le premier jour, nous sommes partis de Sarlat pour aller aux Aisy. 23. Qu'y a-t-il de beau à voir aux Aisy? 24. On nous avait conseillé d'aller visiter le musée national de la préhistoire. Écoutez, nous n'avions jamais vu quelque chose d'aussi intéressant. Ensuite, comme nous avions envie de visiter Lascaux, nous sommes allés à Montignac. Je ne savais pas que cette région avait été un centre important dans la préhistoire. Hélas, nous avons appris que les grottes avaient dû être fermées au public. Le grand nombre de visiteurs avait détruit l'équilibre biologique des grottes. Alors, nous n'avons pas pu admirer les extraordinaires peintures préhistoriques. Répétez. 25. Nous n'avions jamais vu quelque chose d'aussi intéressant. 26. Ensuite, comme nous avions envie de visiter Lascaux, nous sommes allés à Montignac. 27. je ne savais pas que cette région avait été un centre important dans la préhistoire. Hélas, nous avons appris que les grottes avaient dû être fermées au public. 29. Le grand nombre de visiteurs avait détruit l'équilibre biologique des grottes. 30. Alors, nous n'avons pas pu admirer les extraordinaires peintures préhistoriques. 31. Aviez-vous déjà vu quelque chose d'aussi intéressant? 32. Non, nous n'avions jamais vu quelque chose d'aussi intéressant. 33. Et ensuite, vous êtes allé à Montignac? 34. Oui. Ensuite, comme nous avions envie de visiter les grottes de Lascaux, nous sommes allés à Montignac. 35. Savais-tu que cette région avait été un centre important dans la préhistoire? 36. Non, je ne savais pas que cette région avait été un centre important dans la préhistoire. 37. Avez-vous pu visiter les grottes préhistoriques de Lascaux? 38. Non, hélas, nous avons appris que les grottes avaient dû être fermées au public. 39. Pourquoi les grottes avaient-elles dû être fermées au public? 40. Parce que le grand nombre de visiteurs avait détruit l'équilibre biologique des grottes. 41. Alors, vous n'avez pas pu admirer les extraordinaires peintures préhistoriques. 42. Alors, nous n'avons pas pu admirer les extraordinaires peintures préhistoriques. 43. Que faites-vous? 44. Nous sommes en train de regarder les photos de Marc. 45. Quelles sont ces photos? 46. Les photos que nous avons faites pendant que nous étions dans le Périgord. 47. Ah, vous êtes allé en Dordogne? 48. Oui, je racontais à Marie ce que nous avions vu en Dordogne. 49. Vous êtes allé à Montignac? 50. Oui, nous nous y sommes arrêtés 2 ou 3 jours. 51. Avez-vous vu l'abbaye fortifiée de Saint-Amand-de-Colly? 52. Non, nous ne l'avions pas inscrite à notre programme. 53. Pourquoi? Elle a quelque chose d'exceptionnel. 54. Oui. Pendant que vous étiez tout prêt, ça valait le coup d'y aller. Répondez. Répétez. 55. Que faites-vous? 56. Nous sommes en train de regarder les photos de Marc. 57. Quelles sont ces photos? 58. Les photos que nous avons faites pendant que nous étions dans le Périgord. 59. Ah, vous êtes allé en Dordogne? 60. Oui, je racontais à Marie ce que nous avions vu en Dordogne. 61. Vous êtes allé à Montignac? 62. Oui, nous nous y sommes arrêtés 2 ou 3 jours. 63. Avez-vous vu l'abbaye fortifiée de Saint-Amand-de-Colly? 64. Non, nous ne l'avions pas inscrite à notre programme. 65. Pourquoi? Elle a quelque chose d'exceptionnel? 66. Oui, Pendant que vous étiez tout près, ça valait le coup d'y aller. Écoutez. Quand vous êtes allé aux Aisies, êtes-vous passé par La Roque et Méral? Oui, je me souviens que nous avons pique-niqué dans le coin. Vous saviez qu'autrefois les brigands avaient occupé la région? Non, nous ne le savions pas. Le guide Vert n'en parlait pas. Alors, vous ne connaissez pas le livre « Contes et légendes du Périgord » Non, mais tu peux nous en raconter une. Répétez. 67. Quand vous êtes allé aux Aisies, êtes-vous passé par La Roque et Méral? Oui, je me souviens que nous avons pique-niqué dans le coin. 69. Vous saviez qu'autrefois les brigands avaient occupé la région? 70. Non, nous ne le savions pas. Le guide Vert n'en parlait pas. 71. Alors, vous ne connaissez pas le livre « Contes et légendes du Périgord » 72. Non, mais tu peux nous en raconter une. Répondez, répétez. 73. Quand vous êtes allé aux Aisies, êtes-vous passé par La Roque et Méral? 74. Oui, je me souviens que nous avons pique-niqué dans le coin. 75. Vous saviez qu'autrefois les brigands avaient occupé la région? 76. Non, nous ne le savions pas. Le guide Vert n'en parlait pas. 77. Alors, vous ne connaissez pas le livre « Contes et légendes du Périgord » 78. Non, mais tu peux nous en raconter une. Écoutez. 79. Autrefois, les grottes des environs de Méral avaient été des repères de brigands. 80. Ils étaient la terreur des pauvres gens, surtout les soirs de tempête. 81. Un paysan qui rentrait de la foire de Méral avait raconté des choses incroyables. 82. Il disait qu'il avait vu des fantômes agiter des torches. 83. Il racontait qu'ensuite, il avait entendu des chants et des cris terrifiants. 84. Il n'avait toujours pas compris comment il n'était pas mort de peur. Répétez. 85. Autrefois, les grottes des environs de Méral avaient été des repères de brigands. 86. Ils étaient la terreur des pauvres gens, surtout les soirs de tempête. 87. Un paysan qui rentrait de la foire de Méral avait raconté des choses incroyables. 88. Il disait qu'il avait vu des fantômes agiter des torches. 89. Il racontait qu'ensuite, il avait entendu des chants et des cris terrifiants. 90. Il n'avait toujours pas compris comment il n'était pas mort de peur. Répondez, répétez. 91. Autrefois, les grottes des environs de Méral avaient été des repères de brigands? 92. Oui, autrefois, les grottes des environs de Méral avaient été des repères de brigands. 93. Ils étaient terrifiants. 94. Oui, ils étaient la terreur des pauvres gens, surtout les soirs de tempête. 95. On racontait des choses incroyables. 96. Oui, un paysan qui rentrait de la foire de Méral avait raconté des choses incroyables. 97. Qu'avait-il vu? 98. Il disait qu'il avait vu des fantômes agiter des torches. 99. Qu'avait-il entendu? 100. Il racontait qu'ensuite, il avait entendu des chants et des cris terrifiants. 101. Il n'était pas mort de peur. 102. Il n'avait toujours pas compris comment il n'était pas mort de peur.